Connard, c'est mauvais mélange. Sombre l'affiliation, on se réunit pour le J. Hey, toujours en bande organisée. Mafiosi, tu connais l'idéologie. Hey, manque qui, je dois multiplier. Ça cogite fort, fort, fort. J'ai rempli cendrier. Pas de repos dans le calendrier. Qualité, quantité. Du blanc, du vert, du marron. J'suis grave pour la mixité. Hey, lifton, lifton. On a rien sans rien, tu connais le dicton. J'baisse tout, bien sûr. Depuis le départ, c'est pas une question. J'prends pas la grosse tête, j'prends la recette, j'prends la refaite. Le même bêtard que la meuf à offset. Elle arrive même à torquer sur du dubstep. Pantalon de G-Squad, paire de mocassins. Et je fais dépasser la croche de 11-43. On a fait fois G ce soir au casin. Donc j'ai fini au club sous filtré 3 fois. DJ, Brunja, y'a du rail, je danse les bras écartés. Après G-Day, de Jack, sur le parking, je fais des prises de karaté. Dans le jacuzzi comme Tony, je faisais l'andouille. J'ai récupéré la submarinaire à la fouille. T'as pris ligne de pure, ça t'enlève la trouille. Et en redescente, elles sont où tes couilles? Là je suis Brunja, pété sous Jack. Je sors la guitare, tu danses le cha-cha. Là je suis Brunja, pété sous Jack. Et je sors la guitare, tu danses le cha-cha. Non c'est pas un homme, Champs-Élysées, Prado. Que des grosses pour la grosse Kaira dans le Catrano. Non c'est pas un homme, Champs-Élysées, Prado. Que des grosses pour la grosse Kaira dans le Catrano. Sa mère Bagdad, je fais mon comeback dans le calme. Dans la boîte, ça se finit en coup de batte, coup de lame. On y coupe pas, boucac, on y tout pas. J'bois pas d'alcool, j'en ai ras le bol. On fait un pactole, c'est les Dalton, ça sort de tôle. On joule pour un gauche-droite devant le McDo. Tu poses des sirocos à la maison, y'a pas un pack d'eau. Grosse qui stature l'air, le billet, j'te la jette dans la tête. On n'est pas venu pour perdre, le gérant est venu claquer sa EZ. J'suis avec fraîche dans la ruche, y'a des abeilles par là. Sur le dé et demi, j'entends pas le bruit du hara. Y'a du miel, mais il est pas aphrodisiaque. Fini sur le palais, réseau chargé dans un socha. Au du RS, Black Batman. Dans la L2, full mode S. C'est les fantômes d'art Pac-Man. Madafuck comme le S. J'veux la digita, j'veux du papel. Rock dans la pomme, tout comme Apple. Chemise ouverte, j'danse le Mia. Et nique sa grand-mère pas sanitaire. Nique sa grand-mère pas sanitaire. Nique sa grand-mère pas sanitaire. Nique sa grand-mère pas sanitaire. Brigitte à moi tu me parles pas d'âge. Brigitte à moi tu me parles pas d'âge. Brigitte à moi tu me parles pas d'âge. Brigitte à moi tu me parles pas d'âge. Non c'est pas un homme Champs-Élysées Prado. Que des grosses pour la grosse Kaira dans le Catrano. Arrête de nous faire le patron. Je démarre sans la clé. Je suis en Audi blanc nacré. Wesh le nord, wesh le sud. Y'a les ports dans la ZUP. Petit chopper, décathlon. Gros TP, file d'attente. Je suis sur le deux temps, ça fait bep bep. Bep bep bep bep bep. Elle veut un bisou, elle m'appelle bep bep. Bep bep bep bep bep. Sortie de boîte, tu finis au placard. Pour un ratatatata. Je suis un gentil, mais je peux niquer ta mère. Et même ton papa, papa, papa. Chacun pour soi, je sais pas si tout comprendes. Je me verrais bien au calme avec une Eva Mendes. Lunettes de soleil, grosse équipe carbo. Dans la boîte calibrée comme Cario Fuentes. Génération de Farah, ils veulent refaire les cartels Guadalajara. Des baillets, c'est faire des puces les barras. Y'a la Skoda, c'est toute la cité qui crie le hara. Et ça cave à la balle, ça fait la tata. Tu t'en sors, c'est pas un coup de bol. Ça prend la marche, le produit passé par un trou de balle. Ça met des bastos dans la cage, te parle pas de football. Rentre dans la salle à l'intérieur, c'est pas du handball. C'est Marseille, Paname, demande à Baby Boy. Tu veux la guerre, cogno. Est-ce que t'es Wedgy Boy? Un bruit, ça sort le neuf. Poto, je connais des meufs avec des grosses coraux. J'te parle pas de Lady Boy. Rapta, Brunja, Bagda. Ouais, ouais. Marseille, Paname, Dema. Ouais, ouais. Pyramide, Tempé, Wina. Tu connais, ouais, qu'elle marcelle tous les soirs. J'crois qu'elle m'a pris pour un Qatari. J'éteins la lampe et tout est noir. Elle a compris que j'suis pas Qatari. J'ai pas ton time, j'dois faire du beurre. Mais pas grave, y'a de mauvaises humeurs. Et j'passe au quartier prendre des bails. J'remonte à Vitaille et Paris. Non, c'est pas un homme, Champs-Élysées, Prado. Que des grosses pour la grosse Kaira dans le Catrano.